Je m'appelle Franck Léonard, je suis professeur d'enseignement artistique à l'École des Beaux-Arts de Châteauroux. Je termine ma troisième année, donc je suis un arrivant assez récent en fait au sein de cette école, mais j'ai enseigné pas mal, ça fait 20 ans que j'enseigne moi, j'ai enseigné dans différentes écoles en France, alors beaucoup à Paris, public comme privé d'ailleurs. J'ai enseigné aussi à la Souterraine, j'ai enseigné en DSA là-bas, donc DSA, j'étais en DSA 2, donc on était à Bac plus 4, sur des problématiques, on va dire, de recherche fondamentale qui précédaient des projets de design. Alors ici, au Beaux-Arts de Châteauroux, je suis un petit peu multicarte. On a une classe préparatoire, donc ce sont des gens qui viennent un an. Ils sortent du bac en général, où ils ont bac plus 1, parfois bac plus 2, plus 3, sur des parcours un peu spécifiques. Là, on les prépare à rentrer dans les écoles d'art et de design. Donc il y en a une petite cinquantaine en France de ces écoles. Ça va du mois de septembre au mois de mai. Là. Ça, c'est une partie de mon poste ici. Finalement, une toute petite partie, puisque j'enseigne aussi beaucoup à des publics amateurs. De 7 à 77 ans, hein, en gros, des enfants, des ados, des adultes. Et puis, certains adultes sont assez âgés aussi. Dessin, peinture, volume. Par exemple, j'ai un cours adulte plus orienté vers le paysage. Pas forcément que du dessin. Le cours en lui-même s'appelle paysage, deux points, du dessin au volume. Donc on oscille entre les deux comme ça. Ouais, c'est intéressant. C'est un cours qu'on a créé quand je suis arrivé. Parce que je suis arrivé à l'école avec cette passion-là pour le paysage, pour ses représentations, ces différents types de représentations. J'ai cofondé avec deux amis des Beaux-Arts en 2018 une plateforme de création qui s'appelle Terrain de jeu. Donc ça fait un petit moment que moi, dans mon parcours d'artiste, en fait, je m'intéresse à ça. On partage, on va dire, des expériences avec des habitants d'un territoire choisi. Donc ça, c'est une partie importante de mon travail, et c'est avec ces préoccupations artistiques-là, qui sont à la fois collectives et personnelles, hein, au sein de Terrain de jeu, que je suis arrivé à l'école. Le cours de volume, c'est celui que je dispense à la classe préparatoire. On va dire qu'on envisage le volume au sens large, c'est-à-dire que c'est volume et espace aussi. Un volume s'inscrit toujours dans un espace. Et la sculpture consiste à prendre un bloc de pierre, de bois et à enlever de la matière. Et cette définition-là, je la rappelle souvent à mes étudiants, moi. La sculpture est une toute petite partie d'un travail qui pourrait se passer en volume. Le volume, c'est aussi l'installation, c'est aussi le vide. Donc voilà, c'est pas que du plein. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? C'est une bonne question parce que ils viennent souvent chercher des choses et nous, on leur offre autre chose. Ils viennent avec une idée, effectivement, d'apprendre à dessiner, notamment. Hein, ça, c'est un des grands fantasmes. Oui, pour les enfants, pour les ados aussi, beaucoup. Donc ils viennent chercher ça. Quand on enseigne, on s'aperçoit bien qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à une pratique du dessin qui est maîtrisée sur plusieurs versants. Mais qu'est-ce que la maîtrise du dessin ? C'est un grand débat. On peut trouver des choses tout à fait fortes avec un dessin qui n'est pas maîtrisé du point de vue de la représentation, mais qui offre par ailleurs un chemin de découverte graphique, une certaine sensibilité. Donc on peut avoir des choses très fortes qui sont maladroitement exécutées. Hein. Donc les enfants, les ados, eux, ils viennent chercher une maîtrise du dessin de représentation. Donc il faut que ça ressemble à ce qu'on connaît. Hein. Donc moi, je parle de vraisemblable. Eux, ils disent réaliste. Il y a tout un vocabulaire comme ça que je me fais fort de rectifier et de préciser, effectivement. Donc moi, je parle de vraisemblable, c'est-à-dire de semblable au vrai. Alors ça, c'est quand on représente quelque chose qu'on a devant les yeux ou qu'on regarde sur une photographie, etc. Il faut que les autres reconnaissent ce qu'on a représenté. Et là, on peut dire que déjà, le dessin, d'une certaine manière, est réussi. Et alors, ils viennent chercher ça, notamment, ouais. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils viennent chercher quand on leur propose quand on propose à des enfants de 5 ou 6 ans d'avoir une première approche des arts plastiques au sein d'un atelier qu'on appellerait atelier découverte, par exemple. Hein. C'est le nom d'un des ateliers qu'on a ici à l'école. Ils viennent chercher peut-être... Bah effectivement, enfin ce mot découverte, pour moi, il est essentiel. Ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire à l'école ni chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer chez eux ou à l'école les rudiments de ce qu'on peut faire là. Ici, on va le pratiquer avec, on va dire, des moyens un petit peu plus importants, de l'espace. Et puis, on va installer comme ça, de manière hebdomadaire, une forme de rituel. Ils reviennent chaque mercredi ou chaque jeudi dans cet atelier où on met en place des choses, on réfléchit, on épaissit une réflexion. Les ados, ils arrivent avec leur vie d'ado, leurs problèmes d'ado, leur complexe d'ado aussi. Et là, c'est pareil, on essaye de désinhiber un petit peu tout ça. Les ados, c'est un public un peu particulier parce que deux tiers de l'année, ils ne se parlent pas entre eux. Ce sont des bons petits soldats. Et en même temps, je pense qu'ils... Là, on arrive à un moment de l'année, par exemple, où on fait des choses plus collectives. Par la force des choses, ils sont amenés à discuter entre eux, à se parler. Et puis, on s'aperçoit qu'ils ont des choses à se raconter. Hein, du point de vue du dessin, du point de vue de la peinture. Mais ils arrivent avec beaucoup d'idées reçues sur ce qu'effectivement ça peut être aussi. Dès qu'il y a un détail qui ne va pas, le dessin est raté, ouais, faut les empêcher de déchirer la feuille, etc. Les adultes viennent ici à l'école pour suivre différents types de cours. Il y a de la peinture. Il y a du dessin, il y a de la sculpture, il y a de la céramique, il y a mon cours consacré au paysage, il y a du textile aussi. Art textile, Christina de Polis, qui dispense ce cours, fait un certain nombre d'expériences avec des tissus, avec de la laine, etc. Et puis a une expertise, des compétences particulières sur la fabrication de couleurs à partir de plantes tinctoriales, donc... On fait ses propres teintures à base de végétaux, souvent. Elle a cette particularité de connaître ça et puis de proposer aux élèves adultes des expériences dans ce domaine. D'accord. J'en sais pas plus, mais j'aperçois des choses. Donc je vois bien ça donne des choses qui sont tout à fait intéressantes. Quand j'arrive, ce qui m'étonne... L'accessibilité de l'école vis-à-vis de moi, déjà. Moi, je suis arrivé dans cette école, là, pour le coup, candidature spontanée, tout à fait spontanée. Je suis arrivé, j'ai vu la première année, donc je suis rentré dans l'école sans qu'on me demande quoi que ce soit. Je suis allé voir le secrétariat, je me suis présenté et puis je dis, j'aimerais rencontrer la direction de l'école. Pour proposer ma candidature, pour tout de suite, ou pour dans 6 mois, ou pour dans 1 an, peu importe, mais j'aimerais bien travailler avec vous. Et je suis arrivé avec cette carte un peu de passionné de paysage. Une semaine après, j'ai rencontré la directrice, Nathalie Sécardin. C'est pour ça que je parle d'accessibilité importante, et puis d'ouverture aussi, voilà. Et Nathalie Sécardin a entendu mon message tout de suite. On m'a dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à apporter à l'école qu'on n'a pas, c'est cette ouverture à la nature, au paysage, voilà. Sachant que le paysage n'est pas forcément la nature, hein. Il peut y avoir des paysages urbains, on y travaille aussi dans mes cours. Mais ce que je veux dire, c'est ça qui m'a frappé en premier, c'est de la disponibilité, voilà, vis-à-vis de moi. Et puis après, quand je suis arrivé dans l'école, ce qui m'a surpris, c'est que c'est une petite équipe où on apprend à se connaître finalement assez vite, même quand on arrive de l'extérieur et qu'on n'a jamais mis les pieds dans l'école. Donc ça, c'était agréable. C'est pas sans soubresaut. Moi, j'ai mis quelques temps à comprendre où j'étais et comment ça fonctionnait. J'ai mis une bonne année pour ça. Mais mine de rien, ça se fait bien. Et voilà, après 3 ans, je suis très très content d'être là, en fait. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui est à mon échelle aussi. L'échelle de l'école. On a à peu près 240 élèves, hein, tout public confondu. 240, 250, je ne sais plus très bien, mais... J'ai travaillé dans d'autres écoles où il était moins facile de se parler, où il était entre profs, entre... Bon, là, nos emplois du temps font qu'on ne se voit pas tout le temps, tous, en permanence, mais on peut se choper comme ça dans les couloirs et se dire des choses, et finalement, ça coule assez bien, quoi. Alors, l'école des Beaux-Arts de Châteauroux a la chance d'avoir une galerie d'art municipale qui est plutôt de bonne facture, c'est un beau lieu, il est juste en dessous de nous là. Donc l'école accueille plusieurs expositions par an, des artistes en résidence, ça c'est au-dessus de nous. Donc nous on est sur un trois plateaux là, et effectivement j'en discutais d'ailleurs récemment avec Nathalie Sécardin, notre directrice, cette espèce de plateau là, de ce trois niveaux. Enfin, on a 4 niveaux. On a tout en haut, là, dans le grenier, on a l'atelier pour les résidents. En dessous, on a l'atelier des prépas. Là, on a une salle de dessin, on est plutôt sur les pratiques amateurs. Et juste en dessous, on a la galerie. Et le mouvement qu'il y a dans l'escalier, là, toute l'année, c'est un lieu d'échange, en fait, où on passe d'un plateau à l'autre. Alors nous, les profs, bien sûr, plus que les autres. Mais finalement, on a une belle image, là, avec ces 4 plateaux, de ce qu'est l'école. C'est-à-dire, on peut commencer à venir dans cette école à 5 ans, passer par un certain nombre de cours amateurs, faire la classe prépa, devenir artiste. Donc après, si on devient artiste, on peut passer en résidence au 4e étage. Si on a une expo, on redescend au rez-de-chaussée, etc. Donc l'idée, c'est pas d'y passer sa vie, parce qu'il faut aussi voir autre chose, je pense. Mais il y a cette espèce de totalité de la boucle de l'artiste là, qui peut se jouer... en ces lieux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, quoi. Une école municipale qui, en tout cas, a toutes les facettes, possède toutes les facettes du chemin d'un artiste. Il n'y a pas beaucoup de villes comme ça qui ont, sur un même lieu, une dynamique comme celle-ci. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, j'ai une histoire avec Châteauroux. Moi, je suis né à Paris, mais toute ma famille, père et mère, sont de la région, en fait. Ma grand-mère habitait à Châteauroux jusqu'à ce qu'elle nous quitte, une de mes grand-mères. Et puis, voilà, donc partie paternelle de la famille, c'est Argenton et Châteauroux. Et puis partie maternelle, c'est en Creuse, à 60 km d'ici, c'est-à-dire on est à l'entrée de la Creuse. Donc Babéry, voilà, La Marche, toutes ces contrées-là, ces régions naturelles. On a des gestes comme ça d'entrée dans les pratiques artistiques qui arrivent très jeunes. Mais c'est vrai que le dessin fait partie des activités qu'on nous propose dès la maternelle, même parfois avant. Elle semble extrêmement forte. Ça a l'air d'être une des rares choses qui ne change pas trop. Ça, c'est assez frappant. Ça fait partie des portes d'entrée principales. Mais maintenant, c'est pas la seule. On peut très peu dessiner et toujours avoir des trucs dans les mains et fabriquer, donc plus en volumétrie, des trucs avec des cailloux, de la terre, des morceaux de bois. Il y a beaucoup d'enfants dont on sent, quand on les accueille ici, qui sont plus sur une pratique en volume qu'en image. Donc je pense que là, c'est deux portes d'entrée. Mais le son est aussi une porte d'entrée, je pense. La musique, l'écoute, le goût aussi peut-être. Ça fait partie des choses qui seraient intéressantes à développer à l'école des Beaux-Arts, par exemple. Je pense qu'on a encore une petite marge pour tenter des expériences encore différentes. Voilà. Les ajouter, sans remplacer celles qui existent, mais on pourrait effectivement C'est pas l'envie qui manque, hein. C'est plutôt le temps et la place aussi. Et puis les personnes, peut-être, compétentes en la matière. En fait, si on fait le tour des cinq sens... Moi, j'ai des convictions en tant qu'enseignant, donc sur ce métier-là en particulier, qui ne sont pas complètement étrangères à ma pratique artistique et qui ne sont pas complètement étrangères à ma façon d'être citoyen dans ce monde, évidemment. Je pense que l'enseignement artistique, aujourd'hui, il est d'utilité publique, dans un monde qui va très vite et qui même, je dirais, est obsédé par sa propre accélération, sa propre vitesse, qui en fait un cheval de bataille, qui en fait... Il y a une obsession de la performance un peu partout, dans toutes les pratiques. C'est un lieu que moi, je veux être un lieu où l'on reprend le temps de regarder les choses. Ça, ça fait partie des fondamentaux de ma façon d'enseigner. C'est pas toujours facile, mais j'en fais le socle quand même de certains cours, en début d'année surtout. Et si on prend le temps de regarder, on va analyser, on va comprendre des choses. J'aime bien aussi retarder un tout petit peu le moment où on va faire. Quand j'emmène des enfants dehors, quand le temps le permet, donc en début d'année et en fin d'année, je mets un point d'honneur à les obliger à prendre le temps de regarder les choses. C'est là que le dessin commence et c'est là qu'ils peuvent effectivement peut-être un peu toucher du doigt ce qu'ils attendent de l'école. Il faut être en pause, ouais, faut analyser, il faut regarder. Si on veut arriver à prendre une place, à occuper une place, un point de vue différent de celui des autres, il se cherche, il ne va pas tomber du ciel. Quand on va dessiner dans le parc de Belle-Île, on va chercher un point de vue que personne n'a jamais eu, que personne n'a jamais adopté sur les choses. Donc ça peut se jouer à un mètre de différence, hein, mais donc déjà, on va chercher un point de vue pour dessiner des choses qui sont rares ou voire inédites. On ne peut pas juste se poser en disant « bon, vous avez 1h10 pour dessiner, allez-y, foncez ». Non, c'est un truc qui se pense, quoi, et prendre le temps. Mon approche, c'est ça. C'est une école du regard plus que de la pratique, du dessin, plus que de la technique, finalement. On accueille les écoles primaires, des classes d'écoles primaires de Châteauroux, à venir passer 12 heures avec nous. Donc on accueille en tout une vingtaine de classes. Moi, je suis en charge de 17 classes sur ces 20. Et ça, c'est un travail, c'est le plus gros travail que j'ai à l'école, finalement, en termes de temps passé. Là, on a un public encore plus large que celui qui s'inscrit. Et là, effectivement, on voit des enfants qui viennent de différents quartiers de la ville, de différentes écoles. Quand je disais tout à l'heure que c'est d'utilité publique, on le comprend encore plus fortement. Quand on accueille ces enfants-là, c'est plein de surprises. Ça. C'est voilà, il y a plein de moments extraordinaires. Ça fait tomber les clichés, y compris chez moi. On a plusieurs écoles qui viennent de quartiers dits un peu difficiles de Châteauroux. Et en fait, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, bah, ce sont les enfants qui, sans qu'ils le sachent vraiment eux-mêmes, sont les plus curieux, les plus avides d'apprendre des choses et de vivre de nouvelles expériences. Il y a un appétit pour la découverte. Effectivement, c'est d'utilité publique parce qu'on voit bien que chacun ne naît pas à l'égal de l'autre en termes de pratique et de connaissances et d'ouverture au monde. C'est plus dans ces âges-là qu'elle peut sauver le monde, en fait. Ça, j'en suis à peu près persuadé.